Le roi d'Angleterre vint le long de la chaussée, très bien accompagné, et semblait bien roi. Avec lui étaient le duc de Clarence, son frère, le comte de Northumberland et quelques autres seigneurs, son chambellan, appelé monseigneur d'Hastings, son chevalier et d'autres. Il n'y en avait que trois ou quatre, habillés de drap d'or comme le roi. Le dit roi avait une barrette de velours noir sur sa tête, avec une grande fleur de lys de pierrerie. C'était un très beau prince, de haute taille, mais il commençait à engraisser, et je l'avais vu autrefois plus beau, car je n'ai pas souvenance d'avoir jamais vu un homme plus beau qu'il n'était quand monseigneur de Warwick le fit fuir d'Angleterre. Lorsqu'il fut arrivé à 4 ou 5 pieds de la barrière, il ôta sa barrette et plia le genou jusqu'à un demi-pied du sol environ. Le roi lui fit aussi une grande révérence. Il était déjà là, appuyé contre les barrières. Ils commencèrent à se donner l'accolade par les trous, et le roi d'Angleterre fit encore une plus profonde révérence. Le roi, commençant l'entretien, lui dit « Monseigneur, mon cousin, soyez le très bienvenu. Il n'est homme au monde que j'eusse désiré voir autant que vous. Et loué soit Dieu de ce que nous sommes ici assemblés à cette bonne intention. » Le roi d'Angleterre répondit à ces paroles en assez bon français.